Je voulais aussi m'appuyer au début sur une citation d'un philosophe. Je ne suis pas du tout philosophe, alors ça me donne un petit peu de répondant dans ce milieu ici. Qui est un Autrichien, Wolfgang von Kirchner. Produire et implémenter des stratégies pour s'occuper d'une problématique globale est une tâche collective, c'est-à-dire un acte d'intelligence collective qui nécessite de nouvelles manières de penser et de nouvelles visions du monde. Créé en 2003. Et ça m'amène à un point de vue que je vais développer, représente un angle un peu différent de ce qui a été dit jusqu'ici, parce que je vais partir de la forme de pensée pour éclairer la manière dont elle joue sur le contenu. Et j'ai pour cela pris un exemple plus simple que les exemples globaux de climat ou d'environnement, un exemple inclus mais plus simple, où le rôle de la forme de pensée me semble particulièrement facile à mettre en évidence. Et il s'agit de l'accumulation devenue très dangereuse de bactéries résistantes aux antibiotiques. Or, c'est une histoire en plusieurs actes. Hein. Au premier acte, on découvre l'origine bactérienne des maladies. Au deuxième acte, on découvre, les scientifiques découvrent des substances capables de tuer spécifiquement les bactéries. L'industrie pharmaceutique s'en empare, développe et commercialise ce qu'on appelle les antibiotiques. En même temps, les scientifiques étudient les résistances développées par les bactéries, c'est-à-dire le fait que certaines bactéries sont devenues ne peuvent plus être tuées par les antibiotiques en question. Et ils alertent sur les dangers potentiels d'une utilisation sans précaution. Et c'est complètement en vain. L'information des médecins, qu'elle soit initiale ou continue par les visiteurs médicaux, ne porte que sur l'effet thérapeutique des antibiotiques, jamais sur les résistances, du moins jusqu'à très récemment et encore. Troisième acte, on produit, on consomme énormément d'antibiotiques, souvent à tort et à travers, comme lors des maladies virales, mais aussi on a découvert leur utilité pour augmenter la masse musculaire du bétail, et les antibiotiques sont utilisés dans les élevages. Et quatrième acte, les bactéries résistantes à chacun des antibiotiques les plus utilisés, puis les bactéries plus résistantes, et maintenant des bactéries quasiment totalement résistantes s'accumulent, deviennent de plus en plus répandues, au point que l'OMS craint un retour à la situation sanitaire d'avant les antibiotiques. La situation est devenue critique, notamment pour les maladies des pauvres, et en particulier la tuberculose. Totirésistante, ça veut dire résistance non seulement aux antibiotiques qui existent déjà, mais il y a des mécanismes d'exclusion de toute substance étrangère. Donc même si on en invente d'autres, ces bactéries-là risquent d'y être résistantes. Et pendant ce temps, comme les antibiotiques nouveaux ne font plus beaucoup de profit, la Big Pharma s'en désintéresse et ferme les centres d'études des maladies infectieuses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je vais être un petit peu technique, mais dans toute population bactérienne, il existe une faible proportion de résistance aux divers antibiotiques. 1 sur 100 ou 100 millions de bactéries. Certaines résistances peuvent se transmettre à d'autres bactéries, quelquefois d'espèces différentes. Et lorsqu'une personne est traitée par un antibiotique, les bactéries sensibles sont tuées, les résistances peuvent commencer à s'accumuler. Celles qui sont responsables de la maladie sont suffisamment peu nombreuses pour être éliminées par les défenses de l'hôte. Mais les autres, celles qui nous sont endogènes, celles qui appartiennent à ce qu'on appelle maintenant, de ce terme très à la mode, le microbiote, ces autres-là, eh bien, elles peuvent ou non se stabiliser, rester dans l'organisme et, dès qu'elles sont dans l'organisme, diffuser partout. Alors, les scientifiques, dès le début, ont dit si vous donnez deux antibiotiques à la fois, la probabilité d'avoir des résistantes est quasiment nulle. Donc, au lieu d'en donner un, donnez-en deux. Ça n'a jamais été fait. Qu'est-ce que faisait ? C'était même pire quand le médecin constatait une récidive de la maladie avec des bactéries résistantes au premier antibiotique, ben il donnait un second, si bien qu'on avait des bactéries résistantes aux deux antibiotiques, et ainsi de suite. Ce qui est une des sources, hein, pas la seule, une des sources des multirésistances. Alors, ces multirésistantes, encore une fois, s'accumulent dans une flore non pathogène, non mauvaise, non nuisible, et puis diffusent. Et elles diffusent évidemment en particulier dans les hôpitaux. Les résistances se transfèrent donc via des bactéries inoffensives ou utiles jusqu'aux bactéries pathogènes. Il a fallu à peu près 3/4 siècle pour atteindre le niveau critique actuel. Alors que tout cela était parfaitement connu des scientifiques, les médecins ne savaient pas, je me demande même si tous le savent encore, qu'en traitant leurs malades, ils préparaient un temps futur où les antibiotiques allaient devenir sans effet. Ils ne sont pas formés à s'en préoccuper. Pourquoi ? Les médecins soignent localement dans l'immédiat. Un médicament peut avoir des effets secondaires, nocifs, mais pour le malade traité. Or, il s'agit là d'effets secondaires nocifs pour la population et dans un temps éloigné. 70 ans donc, ce qui s'est passé. S'en préoccuper nécessite de se penser, et on va retrouver ce que vous disiez, se penser comme une partie d'une population globale soumise à des transformations lentes qui émergent de pratiques vues comme diamétralement opposées à ces transformations. On a une certaine probabilité de rendre malade la population future en soignant des individus actuels. Il y a donc un changement d'échelle du local, immédiat, individuel et connu, au global, futur, collectif et probable. La pensée actuelle dominante, qu'on appelle cartésienne, mécaniste, déterministe, statique, tout ce qu'on veut, recule devant ce qui lui paraît presque une absurdité irrationnelle. Et cela, même si les mécanismes par lesquels tout cela s'est produit sont parfaitement connus des microbiologistes déjà depuis un certain temps. On connaît bien les mécanismes, mais de là à les assimiler dans une pratique, ça ne s'est pas fait. Et naturellement, ce qui est vrai des médecins et autres personnels de santé, l'est tout autant et même plus des législateurs, mais aussi des malades ou parents d'enfants malades qui insistent pour avoir des antibiotiques, quelle que soit la maladie, de la sécurité sociale qui n'accepterait pas de payer 2 antibiotiques lorsque 1 suffit à soigner, des agriculteurs qui donnent des antibiotiques à leur bétail. Vous savez sans doute que ça n'est interdit en Europe que depuis 2006 et que c'est toujours autorisé aux États-Unis. Avec les traités, ça va nous revenir. Et qui ne voit pas pourquoi un antibiotique qui n'est pas utilisé en santé humaine rendrait résistante à d'autres antibiotiques des bactéries humaines. Alors ça, c'est encore un mécanisme dont je ne vous ai pas parlé parce que je ne peux pas rentrer dans tous les détails techniques. Et puis inversement, le fait qu'on commence à répandre l'idée mal expliquée que les antibiotiques peuvent être dangereux, on risque d'avoir des attitudes du genre du refus global, comme pour les vaccins. De toute façon, les bactéries sont en train de réaliser cette situation où les antibiotiques seront inutiles. Il y a donc besoin d'une éducation, mais d'une éducation au niveau de toute une population et pas seulement des médecins, de toute une population et une éducation d'autant plus difficile à faire dans les conditions actuelles qu'elle demande de prendre conscience d'une situation complexe, probabiliste, globale et lente. Un dernier mot avant de clore cet exemple simple. Dans l'état actuel des choses, les précautions et l'éducation restent nécessaires mais ne suffisent plus. Il faut que la Big Pharma ou une industrie pharmaceutique publique soucieuse de la santé plus que des profits cesse de se désintéresser des maladies infectieuses, recommence peut-être à chercher des nouveaux antibiotiques, mais surtout à transformer les procédés actuellement recherchés dans les laboratoires publics en médicaments susceptibles et accessibles à d'autres gens que les riches ou bien ceux qui sont couverts par une bonne sécurité sociale. Parce que vous voyez, c'est un problème mondial. Il ne suffit pas que ça se fasse dans un pays, il faut vraiment que ça se fasse partout. C'est devenu une nécessité. Alors évidemment, cette situation des bactéries résistantes que j'ai pris pour illustrer le problème du mode de pensée est la même que celle du climat et de l'environnement. Hein. Donc, d'une part, on a ces oligarques de quelques milliers d'individus qui jouent au monopoly sur la planète, qui investissent partout et pensent faire des profits, on l'a dit, en utilisant les résultats de la science. Et depuis au moins 1/4 siècle, en finançant surtout les recherches susceptible de dégager ce profit. Mais d'autre part, il y a les quelques 7 milliards d'individus dont le sort en est menacé. La majorité se pose le problème de savoir comment survivre jusqu'au lendemain. Mais le reste n'est pas formé à penser global. Les méfaits de cette utilisation à des buts uniquement lucratifs des résultats de la science ont été prévus depuis longtemps par des scientifiques. Ils n'ont pas été entendus ou entendus par trop peu de gens. Même maintenant, où la situation a atteint un seuil critique et où chacun peut voir concrètement, à part quelques imbéciles, que le réchauffement est en route, cela n'est pas devenu un enjeu majeur dans les consciences. C'est loin, c'est global, les scientifiques trouveront bien une réponse, on exagère sûrement, c'est bien agréable d'avoir un bel été, et d'ailleurs, on n'y peut rien soi-même, c'est l'affaire des gouvernements. Bon, c'est aussi vrai aussi partiellement, mais évidemment, c'est pas suffisant. Alors que faire? Là encore, je vais m'attacher à un point de vue délibérément partiel, celui que j'ai exploré dans l'exemple précédent. Et je prendrai une autre citation. Si on considère que l'homme est une partie de l'évolution cosmique et connecté à la biosphère, alors on créera les fondements pour considérer l'homme comme responsable de l'état du monde. Ce qui ouvre une piste encore peu explorée et qui est du domaine, pour ne pas dire du devoir, des universitaires, c'est la diffusion de ce que j'ai appelé la pensée du complexe, pour remplacer le mode de pensée, remplacer et englober évidemment, le mode de pensée dominant simpliste, qui convient tout à fait au capitalisme, la preuve par un certain milliardaire américain. Il est devenu indispensable de faire entrer le complexe dans la recherche et dans l'enseignement, à l'école comme à l'université et dans l'éducation populaire. C'est l'une des conditions pour aller vers un changement des mentalités, l'une évidemment, hein, permettant la prise en compte du global, du mouvant, de l'incertain, du contradictoire, et donc la place de l'être humain dans la nature et les interactions qui s'y jouent et font partie de ce global. J'appelle aussi cela la pensée dialectique du complexe. Ce sera long. Je pense qu'il y a une course de vitesse, elle sera peut-être perdue, mais j'espère que la communauté universitaire notamment prendra conscience de l'importance de cet enjeu pour lequel elle est directement en capacité d'agir. Alors de quoi il s'agit? Dans toutes les disciplines, ou presque, tant en sciences de la nature qu'en sciences humaines et sociales, bien sûr, il y a des secteurs, parfois très restreints par l'institution, parce que l'institution ne les privilégie pas, où de nouveaux paradigmes sont en train d'être développés. Bien qu'émergeant de disciplines très diverses et séparées, ces nouveaux paradigmes, qui constituent ce que j'appelle la révolution du complexe, sont interdisciplinaires car ils concernent une démarche qui est commune et qui consiste non à privilégier l'analyse d'un processus, mais à rechercher les interactions qui en causent l'évolution. Ce qui a peu impliqué l'analyse, même s'il ne limite pas. Tout processus, toute chose peut être considéré comme constitué d'un ensemble dynamique d'éléments en interaction ou comme faisant partie d'un ensemble dynamique d'éléments en interaction. Autrement dit, on raisonne global et dynamique sans négliger l'analyse locale et statique quand elle est utile. Et cela va plus loin. Dans la mesure où ces interactions sont multiples, elles sont généralement ce qu'on appelle non linéaires, c'est-à-dire, pour aller très vite, non proportionnelles ni additives. Elles présentent alors des comportements qui ont été étudiés d'abord par les mathématiques et la physique du non linéaire, mais qui s'applique à la grande majorité des systèmes qu'on appelle complexes, qu'ils soient physiques, biologiques ou même humains et sociaux. Ils sont ce qu'on appelle génériques, c'est-à-dire qu'ils dépendent de la nature des interactions, plus que de la nature des éléments. Bon, là encore, je vais très vite, à condition bien sûr de ne pas sous-estimer l'importance des éléments, surtout s'il s'agit d'êtres humains. Hein, c'est pas société humaine, c'est pas des systèmes physiques. Mais ces interactions peuvent être contradictoires, qui rappelle cette forme de pensée qui remonte à Héraclite et qui a été développée par Hegel, Marx et Engels, qu'on appelle la dialectique. Et je pense que les travaux d'Edgar Morin, que j'en peux comprendre, me semblent partiellement à l'intersection entre ces deux courants scientifiques et philosophiques. Et ce que je pense, ce que j'essaye de développer, c'est que la cohérence sous-jacente à ces multiples démarches scientifiques qui viennent donc d'univers très différents et qui constituent ce que j'appelle cette révolution du complexe, n'est pas forgée par un penseur, mais qu'elle émane des pratiques scientifiques. Et elle émane des pratiques scientifiques de quasiment toutes les disciplines, et elle a vocation à enrichir, à modifier la rationalité en général. Je la nomme la pensée du complexe pour nommer quelque chose qui est encore en gestation, qui est encore en train d'émerger, qui est encore en train de se faire, et qui s'enrichit et se diversifie de toutes les avancées des sciences du complexe. Il ne s'agit pas de quelque chose de figé ou de quelque chose qui est proposé par une personne. Donc ce mode de pensée qui est dialectique du complexe appelle à considérer d'abord une totalité, ou tout au moins des séries de systèmes globaux qui ne peuvent pas se réduire à la somme de leurs composants. Elle permet de s'attendre à ce qu'il y ait des cas où A est aussi non A, à ce que dans certaines circonstances, un tout petit changement quantitatif puisse résulter en un changement qualitatif de l'état d'un système que, selon les disciplines ou les conditions, on appellera bifurcation, auto-organisation ou émergence. Elle habitue à considérer les contraires comme faisant partie de la même unité dynamique dont on considère les rapports, les interactions. Les sciences des systèmes complexes nous enseignent que la dynamique d'un système dépend des conditions de départ, de l'environnement, pas au sens... Que le déterminisme peut être non prédictif, que l'état d'un système dépend de son histoire, qui peut présenter plusieurs possibles à un moment donné, voire être un chaos déterministe. Bref, elle nous enseigne une forme de pensée pour envisager l'évolution du global en tenant compte des interactions locales et de l'incertitude. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin pour nous investir massivement dans le futur de notre civilisation. Et c'est ce qui est contraire à la forme de pensée répandue et enseignée encore à tous les niveaux à l'école. Donc, parce qu'elles ont vocation à transformer la rationalité, ces approches se heurtent à de multiples obstacles. Et c'est là la difficulté. Les chercheurs qui travaillent dans cette discipline eux-mêmes, évidemment à l'exception de ceux qui travaillent dans le cadre de la pensée complexe de Marmorin, ne sont que peu conscients de la nouvelle forme de pensée qu'ils utilisent, et encore moins de la possibilité de la transposer ailleurs. J'ai écrit un livre, Révolution du complexe, qui est sur Internet. Je suis invitée par des collègues, et on a ces discussions. C'est pas facile de prendre conscience que sa pratique scientifique est en train de transformer la rationalité. En plus, ces démarches scientifiques, les démarches qui constituent cette révolution du complexe, sont souvent défavorisées au niveau de la recherche. Je me suis amusée à faire un travail d'analyse des appels d'offres de l'ANR 2013, par exemple. On voit qu'elles sont très défavorisées. Et surtout, elles ne sont enseignées que dans des cursus particuliers de fin d'études. Et lorsqu'elles sont enseignées, par exemple dans les écoles d'ingénieurs, elles le sont en se cantonnant aux méthodes mathématiques et informatiques nécessaires pour calculer les comportements, sans que la généralité de ces comportements, sans que cette pensée du complexe qui en émane ne soit dégagée. Alors, je pense que j'ai fait vite, mais je pense que ça nous suggère une feuille de route pour répondre un peu à la question posée initialement, qu'est-ce que l'université peut faire ? Je crois que là, il y a un chemin. Pratiquer, rechercher, enseigner les sciences du complexe dans toutes les disciplines, en déduire et expliciter la pensée dialectique du complexe et la diffuser au maximum. Alors, ce n'est pas la méthode qui suffirait pour venir à bout des dangers actuels. J'ai jamais dit ça, je le pense absolument pas. Mais c'est une méthode qui me semble nécessaire pour comprendre les interactions dynamiques entre les êtres humains, entre eux et le reste de leur environnement, vivant et non vivant d'ailleurs. Et donc à la fois la profonde différence et l'unité profonde entre la nature et la culture chez les êtres humains. J'ai beaucoup aimé l'expression 100% nature, 100% culture. Bref, nécessaire pour comprendre et faire comprendre l'impérieuse nécessité de penser la globalité de notre monde et les diverses modalités de ces transformations, et donc la possibilité d'agir à travers leurs manifestations et causes locales. Voilà, il me semble que c'est une tâche importante, un défi que nous pourrions relever, parce que c'est précisément du domaine de l'université. Je vous remercie. Merci, merci pour ce double plaidoyer et pour la science du complexe et pour une réorientation et de la recherche et de l'enseignement à l'université dans le sens indiqué.